remplie certains soirs. La rue se termine par un promontoire donnant sur les ruines. Percée par le jour, encerclée, elle retienne les rêves en peine, privée d'alentour. Laissez-la par ceux partis en voyage, attirés plus loin par les paysages. Défilent les idiots qui rien ne retiennent, passent comme eux s'en moquent, ressentant ta peine.